35e chapitre. Comment Iring fut tué. Iring, le margrave du Ténemark, s'écria. J'ai longtemps cherché la gloire et je me suis vaillamment conduit dans maintes batailles entre peuples divers. Qu'on m'apporte mes armes, je veux lutter contre Hagen. Je ne vous le conseille pas, lui cria Hagen. Faites au contraire reculer les guerriers Yunen, car si deux ou trois d'entre vous pénètrent dans la salle, je les jetterai à terre du haut des degrés à ces malportants. Ce que tu dis ne m'arrêtera pas, dit Iring, peu intimidé. J'ai tenté des entreprises plus périlleuses. Avec mon épée seule, je veux te combattre. À quoi te servira la forfanterie qui a éclaté dans tes paroles ? Le brave Iring fut bientôt armé, ainsi que Infrit de Duringen, un vaillant jeune homme, et le fort Havart, avec 1000 hommes au moins. Ils étaient prêts à soutenir Iring dans son entreprise. Le ménestrel vit approcher une grande troupe qui s'avançait bien armée avec Iring. Il portait, fortement attaché, main bon bouclier. Le hardi Folker en fut animé de colère. « Vois-tu, ami Hagenas, s'avancer Iring, qui promit de lutter contre toi avec sa seule épée? Est-ce qu'il est donc permis à des héros de mentir? Je méprise cette manière d'agir. 1000 guerriers bien armés ou plus marchent avec lui. Ne m'accuse pas de mentir, dit l'homme lige de Havart. Je suis prêt à faire ce à quoi je me suis engagé. Nulle terreur ne m'y fera renoncer. Quelque terrible que soit Hagen, seul je lutterai contre lui. Iring supplia instamment ses parents et ses fidèles de le laisser combattre seul le héros. Ils y consentirent à regret, car ils connaissaient la grande valeur de Hagen du pays Burgonde. Pourtant, il les pria si longtemps qu'à la fin, ils cédèrent. Quand ses compagnons virent sa ferme volonté et qu'ils recherchaient de l'honneur, ils le laissèrent aller. Un terrible combat s'engagea entre eux deux. Iring du Ténemark portait haut la pique et il se couvrait de son bouclier, ce noble et valeureux guerrier. Il remonta les degrés de la salle pour rejoindre Hagen. Un effroyable fracas s'éleva au cou des combattants. Leurs bras lancèrent des piques à travers les épais boucliers jusque sur leur armure polie et avec tant de force que les bois des javelots volèrent au loin. Ces deux vaillants hommes, animés par la colère, saisirent leurs épées. La force de l'audacieux Hagen était extraordinairement grande. Iring asséna sur lui des coups si violents que toute la salle en résonna. Le palais et les tours retentissaient de ces terribles chocs. Mais le guerrier ne put venir à bout de son dessein. Iring quitta Hagen sans l'avoir blessé. Il se mit à marcher vers le ménestrel, croyant pouvoir le vaincre par la vigueur de ses coups. Mais ce superbe héros sut bien se défendre. Le ménestrel frappa si rudement de son épée que la garniture de fer du bouclier vola en éclats. Alors il laissa la Folker, qui était un homme terrible, et s'élança sur Gunther, le roi des Burgondes. L'un et l'autre étaient forts au combat, mais quels que fussent les coups que Gunther et Iring se portassent, ils ne firent point couler le sang des blessures. Leurs armures, qui étaient belles et fortes, les préservèrent. Alors il quitta Gunther pour s'élancer sur Gernot. Il fit jaillir les étincelles hors de sa cotte de maille. Gernot, le roi Burgonde, frappa presque à mort le hardi Iring. D'un bond, il s'éloigna du prince. Il était si agile. Le héros abattit 4 Burgondes de la noble suite venue de Worms d'Outre-Rhin. La fureur de Giselher était au comble. « Dieu en est témoin, sire Iring, dit Giselher le jeune. « Vous me paierez la mort de ceux que votre main vient de frapper à l'instant. » Et il se jeta sur lui et atteignit si rudement le héros du Ténemark qu'il le jeta à terre. Celui-ci tomba sur ses mains dans le sang, et tous crurent que ce vaillant guerrier ne porterait plus jamais un coup dans les combats. Pourtant, Iring était couché sans blessure aux pieds de Giselher. Le choc de son casque et le fracas de l'épée avaient troublé complètement ses sens, et le brave guerrier n'avait plus conscience de la vie. Le fort Giselher avait fait cela par la puissance de son bras. Quand l'étourdissement produit par la violence des coups sur la tête se fut dissipé, Iring pensa « Je suis encore vivant et je n'ai point de blessure. Maintenant j'ai appris à connaître la force de Giselher. » Il entendait ses ennemis à ses côtés. S'il l'avait su vivant, ils l'eussent achevé complètement. Il apercevait aussi Giselher tout près de lui. Il réfléchissait au moyen d'échapper à ses ennemis. Avec quelle vigueur il bondit hors du sang! Grâce à sa grande agilité, il s'élança hors de la salle et rencontra la Hagen. Il lui asséna des coups rapides de son bras puissant. Hagen se dit « Il faut que tu sois la proie de la mort. Si le diable ne te protège, tu n'en réchapperas pas. » Pourtant, Irink blessa Hagen à travers la visière de son casque. Il porta cette blessure avec Vask, qui était une arme excellente. Quand le sire Hagen eut reçu ce coup, il fit tournoyer effroyablement son épée dans sa main. L'homme lige d'Avart dut céder devant lui. Hagen, descendant l'escalier, se mit à le poursuivre. Irink, le très hardi, leva son bouclier au-dessus de sa tête. Mais quand cet escalier eut eu 3 fois plus de degrés, Hagen ne lui eut pas laissé porter un seul coup. Oh, que de rouges étincelles jaillirent de son casque! Irink revint sain et sauf vers les siens. Grimhild apprit la nouvelle de la blessure qu'il avait faite à Hagen de Trondheim durant le combat. C'est pourquoi la reine se prit à le remercier hautement. « Que Dieu te récompense, Irink, illustre et excellent héros. Tu as consolé mon cœur et raffermi mon courage. Oui, je vois en ce moment l'armure de Hagen rougie de son sang. » Grimhild, reconnaissante, lui prit elle-même le bouclier de son bras. « Remerciez-le modérément, » dit Hagen. « Veut-il encore tenter la lutte? Cela serait digne d'un guerrier, et alors, s'il en revient, ce sera un vaillant homme. Ne vous réjouissez pas trop de la blessure que j'ai reçue. Si vous voyez ma cotte de maille rougie de sang, cela m'excitera à donner la mort à plus d'un. Cette petite blessure anime ma colère pour la première fois. Le guerrier Irink m'a bien légèrement atteint. » Irink du Tenland se plaça contre le vent. Il se rafraîchit dans sa cotte de maille et délia son home. Tout le monde disait que sa force était grande. Le margrave en conçut un indomptable orgueil. Alors Irink s'écria. « Mes amis, sachez qu'il faut que vous m'armiez à l'instant. Je veux encore essayer si je ne puis dompter cet homme outrecuidant. » Son bouclier était haché. Il en reçut un meilleur. Bientôt le héros fut mieux armé qu'auparavant. Il saisit une lance puissante. Poussé par la haine, il voulait s'en servir pour abattre Hagen. Mais Hagen, l'homme très hardi, allait le recevoir rudement. Hagen, la bonne épée, ne l'attendit pas. Il bondit en bas des degrés à sa rencontre, lançant un javelot et brandissant son épée. Sa colère était terrible. La force d'Irink ne lui servit guère. Il frappait sur leurs boucliers au point que des flammes rougeâtres semblaient les allumer. L'homme lige d'Avart reçut à travers bouclier et cuirasse une profonde blessure de l'épée de Hagen. Elle lui enleva la vie pour toujours. Quand Irink, le guerrier, sentit la blessure, il leva son bouclier à la hauteur de la visière de son casque. Le coup qu'il avait reçu lui semblait mortel. Pourtant, peu après, l'homme lige de Gunther lui emporta un plus terrible. Hagen trouva à ses pieds une pique tombée à terre. Il la lança sur Irink, le héros du Tenland, avec tant de force que le bois lui sortait tout droit de la tête. Hagen, le chef hardi, lui avait fait subir une mort cruelle. Irink fut obligé de reculer vers ceux du Tenland. Avant de délier le home, on brisa le bois qui avait pénétré dans la tête. Sa mort approchait. Ses parents se prirent à verser des larmes. Leur affliction était profonde. Voici venir la reine qui se penche sur lui. Elle commença de pleurer le fort Irink. Elle s'affligeait de ses blessures. Sa douleur était poignante. Le noble et brave guerrier parla ainsi devant ses parents. Cessez vos plaintes, ô très illustre femme. À quoi peuvent servir vos pleurs? Je dois perdre la vie par suite des blessures que j'ai reçues. La mort ne veut pas me laisser plus longtemps à votre service et à celui d'Etzel. Puis il dit à ceux de Düringen et du Tenland, « Vos mains ne recevront jamais les présents de la reine, son or rouge est brillant, et si vous attaquez Hagen, c'est comme si vous couriez au-devant de la mort. » Sur ses joues pâlies, Irink, le très vaillant, portait les signes de la mort. C'était pour tous une amère douleur que l'homme lige d'Avart dut succomber. Ceux du Tenmark voulaient recommencer le combat. Eanfrit et Havart s'élancèrent vers le palais avec 1000 hommes. On entendit de toutes parts des cris effrayants, un grand et terrible fracas. Oh, que de javelots acérés on lança aux Burgondes! Eanfrit le hardi courut vers le ménestrel, mais il reçut grand dommage de sa main. Le noble joueur de viol atteignit le landgrave à travers son casque épais. Il était au comble de la fureur. Le seigneur Eanfrit frappa le hardi ménestrel si fort que sa cotte de maille en fut lacérée et que toute son armure fut couverte d'une flamme sanglante. Pourtant, le landgrave tomba mort aux pieds du joueur de viol. Havart et Hagen s'étaient rencontrés. Celui qui les vit assista à des prodiges. Aux mains de ces héros, les épées retombaient rapides, mais Havart devait succomber sous les coups de l'homme du pays Burgonde. Quand les Tainen et les Duringen virent leur maître mort, une épouvantable mêlée s'engagea devant le palais, avant que par la force de leurs bras ils pussent atteindre la porte. Main haume et main bouclier furent hachés en cet endroit. « Arrière !» s'écria Volker, « et laissez-les entrer, ils ne parviendront jamais au but qu'ils poursuivent. En peu de temps, ils succomberont dans la salle et ils gagneront en mourant les présents qu'a promis la reine. » Quand ces hommes audacieux eurent pénétré dans la salle, plus d'un eut la tête abattue et trouva la mort sous leurs coups précipités. Il se battit bien le hardi Gernot, ainsi fit également Giselher la bonne épée. 1004 étaient entrés dans le palais. Les épées rapides en tournoyant lançaient des éclairs. Tous ceux qui étaient entrés furent tués. On put raconter les merveilles des Burgondes. Le fracas s'apaisa, le silence se fit. De toutes parts, le sang des guerriers morts coulait par les ouvertures et par les trous destinés à dégager les eaux. Voilà ce qu'avaient fait les bras puissants des hommes du Rhin. Ceux du pays Burgonde s'assirent pour se reposer. Ils déposèrent leurs armes et leurs boucliers. Mais le hardi ménestrel se tenait toujours debout devant le palais. Il attendait que quelqu'un osât encore venir l'attaquer. Le roi se lamentait désespéré et ainsi faisait la reine. Vierges et femmes avaient l'âme déchirée. Je crois vraiment que la mort était liguée contre eux. Bientôt, les étrangers tuèrent encore plus d'un guerrier.